Ce soir, Sinistros proposera le segment « L'évolution métallique selon Sinistros ». Autre chapitre du volet 1981. Tant qu'à moi, je vous présenterai un aperçu de la nouvelle parution d'Undead Prophecies, le deuxième album du groupe pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Quoique, ça prend un cœur pour ça, il me semble. Mais revenons à cette fameuse histoire d'évolution. La définition de l'évolution... Et celle-ci, le processus des modifications au stade atteint est considéré comme un progrès et ou développement. Alors ma question est la suivante. Si le segment se nomme l'évolution métallique selon Sinistros, pourquoi est-ce que c'est Sinistros qui fait ce segment? Sinistros et évolution, ça ne marche pas. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant. Surtout lorsque, suite à un traitement, que le bon docteur écoute son patient lui dire « Docteur, y aura-t-il une évolution rapide de ma guérison? » Et que le docteur lui répond « Une évolution? Ah oui, il y en aura une. » Et qu'il pointe du doigt Sinistros et reprend « Comme celle-là. » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated because we said so. Let's go. Adversaire qui possédait suffisamment la science des vampires pour lui porter le coup mortel. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais jusqu'à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Festival d'art et de musique Frida 2019 déploiera du 3 au 5 mai prochain toute son audace et sa diversité artistique. Activités gratuites, découvertes et surprises garanties. Au programme, projections cinématographiques, spectacles musicaux, arts visuels, foires au vinyle, conférences et brunchs vegan musicaux. Pour les spectacles musicaux du samedi, achetez vos billets en pré-vente au coût de 20$ sur lepointdevente.com. Pour plus de détails sur la programmation, consultez le site internet et la page Facebook de l'événement. On vous attend en grand nombre, manquez pas ça. Les Aigles de Trois-Rivières et CFO 89.1 s'associent à nouveau cette saison. Tous les matchs à domicile de saison régulière ainsi que tous les matchs de séries éliminatoires seront diffusés à notre antenne. L'équipe de diffusion vous promet toute une saison. C'est le temps d'écouter les Aigles. CFO 89.1, radio diffuseur officiel des Aigles de Trois-Rivières. C'est le 89.1. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 9 avril de l'an de Tisgrâce, et c'est le cas de le dire, 2019. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Oui, je ferai cavalier seul ce soir parce que, contrairement à mon assistant Sinistros, qui a eu la brillance d'esprit de ne pas se déplacer à travers cette merde de température, bien, moi, je suis venu. Quoi qu'il en soit, oui, pas besoin d'en rajouter, toi. Effectivement, je sais, je suis pas très brillant. Ça démontre encore une fois le peu de saint d'esprit que je peux avoir. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, l'émission aura tout de même lieu et le segment L'évolution métallique selon Sinistros sera L'évolution métallique selon Sinistros, mais commenté selon le docteur. À l'instant, en ouverture d'émission, nous avions eu, juste avant cette pause publicitaire, la formation maintenant d'Allemagne, mais initialement des Pays-Bas, mais avant, originellement, de Jérusalem, Marrakech, très, très bonne formation qui donne dans un black, très death metal, avec petite consonance, très, je dirais, racinaire, pour ne pas dire folklorique, mais c'est un mot que je déteste tellement que je ne le dirai pas, avec la très bonne pièce Ghouls of Nineveh, qu'on retrouve sur leur 5e album, The Epic Genesis, qui est paru le 1er octobre 2010 sur Nuclear Blast. Très, très bon album. À ce jour, c'est toujours mon meilleur de Marrakech. Quoi qu'ils sont pas mal tous bons, finalement. Juste avant, de Opoczno, en Pologne, Nomade, tiré de leur 2e album, qui s'intitule Transmigration of Consciousness, qui est paru leur 2e album. C'est l'avant-dernier album, c'est le 5e. Je raconte n'importe quoi, moi, là. Qui est paru le 21 mars 2011 sur Witching Hour. Formation qui, évidemment, vous l'aurez vu, qui donne dans un death metal assez cru. N'a rien sorti depuis... en fait, cette avant-dernière sortie, qui est Transmigration of Consciousness, qui se veut un album complet, puisque, qui est en 2011, puisqu'en 2015, il y avait un EP qui s'appelle Tétramorphe. Mais depuis ce temps-là, rien du tout. Donc, ils sont probablement plus ou moins actifs. Il y a une ouverture de blocs et d'émissions de l'Ohio. Aux États-Unis, bien sûr, Acheron et Daemonum Lux, qui est tiré du 9e album Cultus Assis, qui est paru le 24 février 2014 sur le Sennable Records, ce label français, dont on entendra parler un peu plus tard dans l'émission, d'ailleurs. Une formation qui, étrange, je dois dire, une formation de Dead Black Metal, qui ont des albums qui sont un peu, ben en fait, une discographie, devrais-je dire, relativement inégale. Ils ont de très bons albums, qui sont très, très sombres. Je fais allusion à Alex Talionis, qui est paru en 94, passablement plus black que death, mais très sombre, très malsain. Ils ont des albums qui sont Anti-God, Anti-Christ, c'est un album qui est relativement moyen. Alors que The Final Conflict, Last Day of God, est vraiment, selon moi, un des highlights qu'ils ont fait. Donc, c'est une discours, il a fait un petit peu en dentille, mais je trouve quand même des choses très intéressantes. Donc, comme je le disais en présentation de l'émission tout à l'heure, j'aurai, moi, entre autres, trois pièces tirées de cette deuxième parution de la formation très mystérieuse, un peu à l'instar de ce que Ghost a fait dans les premières années de ses activités, de ne pas savoir qui ils étaient, d'être masqués, cagoulés, avec aucune information. Fallait vraiment creuser pour être capable d'avoir des informations minimalement, savoir qui étaient les membres du band. Undead Prophecies, c'est la même chose et peut-être même plus encore à ce jour. Quoi qu'il en soit, Sinistros, vous avez concocté un premier bloc de sa sélection qu'on va entendre à l'instant. Il donne dans un métal un peu plus à consonance progressive, avec quelques petites influences black aussi à travers ça. On va entendre, entre autres, Akercock de Londres, en Angleterre, Isan de Norvège. Mais tout de suite, allons-y avec une formation qui semble appréciée particulièrement. Moi, je comprends absolument rien là-dedans, là, mais bon. Wintersorg et la pièce... je déteste quand il choisit des groupes comme ça. Avec la pièce Nar Alversinarunor Jungjit. J'en ai rien à foutre, Wintersorg. Stundaren all behövd tid. suffering, I beckon the night to live and overcome the fear. Hey! Congregation of condemned, I bid you welcome to the pyre. Will our objective truth withstand this affliction I venture? Let it all come down. Celebration of impending chaos. la formation londonienne, voilà, Akercock, qui nous proposait cette pièce de ce deuxième album sur The Goat of Mendes. Le titre de la pièce était A Skin for Dancing In, qui est paru en 2001 sur Peaceville. Je suis pas un grand amateur de cette formation. Par contre, j'avoue volontiers l'intensité du groupe. Et l'album de 2017, Renaissance and Extremis, et en tout cas, selon moi, il y a une belle évolution dans ce groupe-là. Ils sont beaucoup plus affirmés, beaucoup plus, accomplis. Juste avant de Notre-Dame en Norvège, Isan, cet ex-emperor, je crois qu'ils se réunissent, ils l'ont fait l'an dernier, ils se réunissent à l'occasion pour quelques spectacles ici et là. La formation n'existe plus officiellement, mais Isan, lui, il continue toujours à produire sa musique qui a une grande tendance progressive avec certaines des influences black, doit-on le dire. La pièce est Invocation, qu'on trouve sur cet album qui s'intitule The Adversary, qui est paru en 2006 sur Mnemosyne Production. Et on est ouvert avec de suite Wintersorg. Formation qui donne dans un progressif, oui, mais à tendance folklorique, faut bien le dire. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, moi puis le folklore, on s'entend pas du tout. Donc, j'aurais tendance à dire que je m'entends pas avec Wintersorg. Mais ce sont les choix de Sinistros, hein. Avec la pièce qui porte le titre dont, je déteste, Horace, s'il te plaît. Exactement, c'est tiré de l'album Olin Mark and Son, qui est paru en 99 sur Napalm Records. Il est 19h52. Et je vais vous faire tout de suite avant d'aller vers l'évolution métallique selon Sinistros, sans Sinistros, à ma chronique cinéma. Parce que j'ai écouté principalement deux titres cette semaine, depuis la semaine dernière, finalement, depuis la dernière émission de réanimation, qui sont, je vais y aller avec le plus mauvais, tiens. Le remake de Suspiria. Qui est un film de Luca Guadagnino, ça se prononce donc bien mal. Ah là là. Qui met en vedette Dakota Johnson, Tilda Swinton et Mia Goth. C'est un remake, effectivement, de ce film originellement paru en 1977 et étant l'œuvre de Dario Argento. Et je vais vous lire textuellement qu'est-ce qu'il en est. En fait, le synopsis, c'est Susie Banyan, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Elena Marcos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s'intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches. C'est alors que Susie commence à faire des terrifiantes découvertes sur la compagnie et celle qui les dirige. Voici ma chronique textuellement. Ce remake est certainement l'un des plus mauvais films que j'ai vus. Je ne lui ai trouvé aucune qualité, en plus d'être terriblement long et inutile. J'ai survécu au remake de Suspiria. Ça en dit long. Originalement, Suspiria est une création de, comme je le disais, de Dario Argento dès 1977, et ce film est considéré par plusieurs comme étant culte. Pour ma part, je n'adhère pas vraiment à ce qualificatif et considère Suspiria comme un film correct sans plus, mais je respecte la démarche d'Argento. Dario Argento, souvent considéré comme le maître du cinéma d'horreur italien, aura probablement eu quelques sursauts, selon moi, en voyant cette pénible adaptation. Argento aura prouvé à plusieurs reprises qu'il sait comment faire un film d'horreur, contrairement à Luca Guadagnino. Suspiria 2019 est, selon moi, est simplement un échec total à tous les niveaux. Le casting est très ordinaire, voire ennuyant, le développement est nul et ne captive absolument pas. Au contraire, il ne se passe tellement rien que pendant ces 2h32 minutes, j'ai regardé l'heure au moins 50 fois. C'est long, lent et d'une platitude mortelle. Voilà. On me demandera pourquoi est-ce que tu le chroniques, pour vous éviter de l'écouter. Par contre, j'ai vu quelque chose de mieux, sans être de quoi, quelque chose de fantastique. C'est le troisième volet et la conclusion de cette trilogie de M. Night Shyamalan, le film étant Glass. Donc, peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn, qui est joué par Bruce Willis, L'homme incansable, si vous préférez. David Dunn. Je me rétracte. Je parle plutôt de Samuel Jackson. L'homme incansable poursuit. Non, j'avais raison. C'est Bruce Willis. Je vais te faire arriver à une conclusion. Poursuit sa traque de la bête, son nom donné à Kevin Crumb, depuis qu'on le sait, capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, et c'est ici qu'on parle de Samuel Jackson, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes. Voici ma chronique. Il aura fallu 19 ans à M. Night Shyamalan pour boucler cette trilogie. Ou était-ce parce que ce ne devait pas en être une initialement? Peu importe. Cette fin ne m'aura pas convaincu et de la pertinence d'en faire une trilogie. Il faut bien avouer qu'M. Night Shyamalan est capable du meilleur comme du plus décevant. Il aura fait fort avec The Sixth Sense, The Village et Signs, mais aura été hors route avec Lady in the Water et Devils, entre autres. Donc, afin de bien se replonger dans cette suite, il semblait pertinent de revoir dans l'ordre Unbreakable et Split avant d'entreprendre Glass. Quoique je n'ai jamais trouvé qu'Unbreakable était génial, j'ai tout de même pris plaisir à le redécouvrir ainsi que de revoir le très bon Split. Glass se voulait la suite directe de ces deux titres. Je croyais avoir affaire à un thriller de haut niveau. Eh bien non. Glass m'a donné un arrière-goût de lenteur et d'étirement inutile qui auront eu raison de moi et m'auront fait décrocher. Je trouve très décevant de la part de Shyamalan qui boucle sa boucle de proposer ce genre de production sans prendre la peine de tenir en haleine le spectateur et de le mettre KO à la fin avec une fin inattendue. Au contraire, plus le film avance, plus il devient clair que les autorités ne sont pas celles qu'elles laissent croire. Donc, une finale plutôt moyenne, voire prévisible. Le casting est bien tout de même, ainsi que les personnages sont déjà très bien définis, mais c'est au niveau du scénario que ça ne lève pas. C'est un peu fade. M. Night Shyamalan a eu d'excellentes idées, et c'est le cas ici avec cette conclusion, mais il ne semble pas toujours apte à les porter en images. Glass n'est pas mauvais, généralement parlant, mais à l'écoute, il paraît lent. N'est pas très stimulant et ne surprend pas. Et malheureusement, Shyamalan a fait sa réputation avec la surprise. Et c'est probablement là aussi sa principale faiblesse, puisqu'il s'agit d'un grand défi que de surprendre coup après coup. Donc Glass vaut la peine d'être vu, mais sans plus, et je vous conseille fortement d'écouter Unbreakable et d'écouter Split avant de l'écouter, parce que les deux premiers n'explique pas complètement le dernier, mais ils font énormément référence et vice-versa. Voilà. On va en pause publicitaire pour revenir avec cette évolution métallique. De métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death, me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifo 89 du côté gauche, la bande est tellement mort ici. Jusqu'au 23 avril, les Rôtisseries Fusées vous offrent ces différentes variétés de wrap pour seulement 8,75$. Oui, un généreux wrap au poulet, poulet filoché, filet ou bœuf chipotelé pour seulement 8,75$ incluant le breuvage. Rôtisseries Fusées, toujours généreusement savoureux. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal, d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Fou de palmarès. 89.1. Non, c'est faux. 22 secondes. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Handel Incorporated Show avec votre très bon docteur, moi-même, et ce jusqu'à 21h. Il est venu le temps de ce segment mensuel qui porte sur l'évolution métallique selon Sinistros, mais comme je l'ai dit, sans Sinistros. Donc, je vais tenter de faire mon mieux pour s'aborder son segment. Voilà. 1981, deuxième chapitre, Sinistros s'attaque maintenant à des artisans britanniques d'Angleterre, dont deux sont issus de la New Wave of British Heavy Metal, incontournable bien entendu dans cette évolution métallique. On va entendre à l'instant les formations Black Sabbath de Birmingham en Angleterre et la pièce Turn Up the Night, version bien sûr avec Ronnie James Dio, tiré de l'album Mob Rules de 1981. On va suivre cette excellente pièce de Sabbath avec Saxon, formation qui est issue du South Yorkshire en Angleterre, bien entendu, avec Princes of the Night, tiré du quatrième album Denim and Leather. Ozzy Osbourne, avec la première apparition de sa carrière solo, également de Birmingham en Angleterre, Over the Mountain. Et on va conclure le tout avec Venom de Newcastle en Angleterre et Witching Hour, tiré du premier album Welcome to Hell, qui est considéré par plusieurs comme étant un album iconique. Witching Hour, une pièce que moi-même j'aurais joué pendant bien des années. Et j'aurais même chanté à l'occasion live, je dois dire, malgré moi. Je vous reviens après cette séquence de ces quatre pièces tirées de l'évolution métallique avec mes commentaires et qui pourraient ressembler à ceux de Sinistros aussi. Let's go! I'm She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. We'll be right back. ça me rappelle des souvenirs, ça. Venom de Newcastle en Angleterre et la pièce Witching Hour qu'on retrouve sur le premier album Welcome to Hell qui est paru en décembre 81 sur Neat. Et saviez-vous que ben, le groupe a vu le jour en 78 et qu'il s'appelait en 78 Dwarf Star? Tu vois pas vraiment le rapport. Dwarf Star, et en 79, il prenait le nom de Venom. Bon, c'est un album qui est, ma foi, exécrable au niveau de la production. Tellement exécrable que c'en est irritant. Mais il faut bien avouer, par contre, que cet album Welcome to Hell fait partie des entités indélébiles qui ont façonné cette musique métal que vous écoutez aujourd'hui. Ça peut avoir l'air étrange comme ça de dire, ben non, on est des années-lumière de ça. Oui, j'en conviens aujourd'hui, en quelques 30 ans, si on veut. Mais il reste que, un peu plus de 30 ans, mais il reste que, c'est typiquement les racines de la musique extrême d'aujourd'hui parce que, en 81, j'étais déjà très metalhead. J'étais aussi musicien dans un groupe métal. Et lorsque, je sais plus quel membre du groupe est arrivé avec cet album Welcome to Hell. C'était comme le wow, là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est l'apocalypse, là. Bon, c'est l'apocalypse pour la production, évidemment. Mais ça venait de redéfinir les standards du heavy metal d'une façon assez outrageante, doit-on le dire, parce que Venom avait brisé toutes les limites qui étaient existantes jusque-là. Jusqu'à la limite de la décence du bon son, là. Mais bon. Juste avant, contrairement à Venom, Ozzy Osbourne et la pièce Over the Mountain, j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure, c'est de son deuxième album, Diary of a Madman, qui est paru le 7 novembre 81 sur Jet. Ici, contrairement à Venom, comme je disais, Ozzy, pour l'époque, avait une sacrée bonne production, là. Ozzy qui est aussi de Birmingham, en Angleterre. Et en 79, c'est là qu'il préparait et démarrait sa carrière solo, mais sous le nom de Blizzard of Oz. C'est en 80 qu'il a adopté simplement son nom, Ozzy Osbourne, pour faire carrière solo. Très, très bonne pièce de Ozzy Over the Mountain. C'est un bon album aussi, Diary of a Madman. Il y a des choses un petit peu plus faibles dessus, mais bon, généralement, c'est un album qui lui aussi a marqué cette décennie et au-delà. Juste avant, Saxon, chose intéressante, c'est que c'est, eux, ce sont de véritables vieux de la vieille. Parce que il faut savoir que le groupe a vu le jour en 1970, mais pas sous ce nom. De 70 à 76, il s'appelait Blue Condition. Pour rechanger de nom encore une fois entre 76 et 77, pour devenir SOB, dont j'ignore exactement la signification. De 77 à 78, ils sont devenus Son of a Bitch. Et pour finalement, en 78, prendre le nom de Saxon, qui, ma foi, est beaucoup plus évocateur que tous les trois noms précédents. C'est évidemment un groupe qui fait partie de la New Wave of British Heavy Metal, qui, eux aussi, ont apporté énormément à cette scène. Et soit dit en passant, le groupe est toujours actif aujourd'hui. Beef Bifford est toujours le vocaliste, si vous préférez, depuis 1977, donc c'est pas rien. On y trouve aussi Paul Quinn à la guitare, qui est là depuis 77 également. Donc c'est une formation qui a énormément, je dirais, collaboré ou apporté ou contribué surtout à façonner ce heavy metal qu'on écoute, ou ce metal plutôt qu'on écoute aujourd'hui. La pièce étant Princess of the Night, par contre, qui est tirée du quatrième album, Denim and Leather, qui est paru le 5 octobre 81 sur Carrier. Et on a ouvert avec les incontournables, bien entendu, Black Sabbath, qui sont également de Birmingham, et qui, eux, existe depuis 68, mais il faut bien savoir par contre qu'en 68, le nom de Sabbath était Hearth et qu'il donnait beaucoup plus dans une musique à tendance blues. Le nom de Sabbath est arrivé en 69. On a entendu Turn Up the Night, qui est tiré de Mob Rose, le 10e album en carrière sous le nom de Black Sabbath, qui est paru le 1er octobre 81 sur Warner. Et évidemment, Ozzy n'en faisait plus partie en 81, puisque comme je l'ai mentionné, il avait quitté. il était plus là depuis 79, disons-le. C'était son remplaçant de haut niveau, Ronnie James Dio, qui avait repris le groupe et puis qui avait réussi avec Geezer, avec Tony, de remettre le groupe de façon spectaculaire sur la carte. Deux albums ont été faits successivement, c'est-à-dire My Bros étant le deuxième, le premier Heaven and Hell l'année d'avant. Il y avait eu Live Evil aussi qui se voulait un album live avec Ronnie James Dio, qui est un très bon album live. Il a récidivé plus tard avec The Humanizer et bien entendu avec Heaven and Hell par la suite. Bref, ce segment de l'évolution métallique selon Sinistros, sans Sinistros, en était un des forts bons, je dois dire, parce que il signifie bien ce que cette scène métallique au début des années 80 démontrait et proposerait pour l'avenir aussi. Il est 20h24, on va aller en pause publicitaire et tout de suite après, on revient avec la présentation de la semaine ils sont des illustres inconnus et des parfaits... Ils devraient rester inconnus, mais probablement pas pour les mêmes raisons que vous le croyez. I'll be back. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais jusqu'à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême, sur Sifu 89 du côté gauche, la mort de Clément Morrissey. Fou de musique du monde. Sifu 89.1. Présentation de cette semaine, qui a retenu mon attention de façon assez, spectaculaire. J'ai eu un flash énorme pour cet album. Je parle du deuxième sortie de la formation, indéfinie, Undead Prophecies. Une formation qui existe depuis on ne sait quand. En fait, le premier album est paru en 2015 sous le nom de Undead, simplement. C'est depuis 2015, en fait, dans cette même année qu'ils ont rajouté le Prophecies. J'ai découvert cette formation et cet album par un heureux et pur hasard, dois-je le dire. Album qui porte le nom de Sempiteral Void, qui voudrait dire, si vous préférez, une espèce de vide éternel, qui est paru le 22 mars dernier sur le Sonneball Records, cette étiquette de disque français. Et c'est ce qui fait dire, pour certains chroniqueurs spécialisés au niveau du métal, et d'après ce que j'ai pu fouiller et en trouver, que possiblement que la formation serait peut-être française. Mais quoi qu'il en soit, Dead Prophecy, c'est un quintet dont on n'a aucune idée qui ils sont. Parce que premièrement, ils adoptent une gimmick qui est très, je dirais, très horreur. Ils sont tous habillés comme la faucheuse. Donc, ils portent des cagoules pour le chanteur qui porte le nom de King Oscuro. Il porte aussi un masque, un peu à l'instar de ce que Ghost a fait depuis un certain nombre d'années. Bon, en fait, Ghost ne l'a pas nécessairement inventé, cette gimmick-là ou ce genre de gimmick-là, mais ça semble être populaire de vouloir garder l'anonymat depuis un certain temps. Bon, moi, je trouve que c'est un truc qui est assez cool, finalement, parce que c'est pas nécessairement qui est derrière l'instrument, mais bien ce qui nous le donne, c'est ce qui nous donne comme résultat qui importe au niveau musical. Bon, peut-être qu'un jour, on découvrira que ce sont des musiciens qui ont fait un side project, qui sont tous des All-Star Band, je sais pas. Et quoi qu'il en soit, on retrouve Angelus à la basse, Dror à la batterie, Necros à la guitare, Nocturnal à la guitare et King Oscuro au vocal. Mais c'est pas de trouver c'est qui, on n'en a aucune idée. On ne sait même pas d'où ils viennent, encore moins leur vrai nom, mais peu importe. Cet album, Sempiternal Void, est vraiment... je vais vous lire ma chronique, là, ça va être plus simple comme ça. Superbe découverte que ce deuxième album de Undead Prophecies. Je suis renversé par ce groupe aux allures mystiques et leur death metal à la sauce old school, saupoudré aux épices d'aujourd'hui. Cet album est fait sur mesure pour tous les amateurs de death metal du type death, possess, entre autres. Mais comme je le disais, avec une énergie et un son bien actuel, on y retrouve autant des pièces speed death que des titres plus lourds et lugubres. Un heureux mélange qui apporte une gamme de couleurs toutes intéressantes et efficaces à cet album. Le vocal de King Oscuro fait penser à celui de Chuck Schuldiner, auquel on aurait greffé les organes de Jeff Becerra, et celui de John Tardy, évidemment, qui est un vocal tout aussi qui ne passe vraiment pas à côté au niveau du métal d'Obituary, ce qui donne une excellente mixture pour le genre. La production est parfaite, ce qui donne encore plus de puissance à cet album déjà très fort. Les sorties métal intéressantes sont actuellement assez rares et il faut creuser pour dénicher quelque chose à se mettre sous la dent. Mais Undead Prophecies m'aura bien rassasié. L'album semble d'ailleurs avoir déjà charmé plus d'une chroniqueuse du milieu, et c'est un fait d'ailleurs. Il y a malheureusement très peu d'informations sur le groupe, comme si les membres désiraient conserver une forme de mystère. Mis à part le fait qu'en cherchant, j'ai découvert que le groupe était possiblement de France, mais rien de plus. Mais peu importe, puisque Sempiternal Void est puissant et super efficace, je vous propose d'aller en écouter trois pièces qui sont respectivement Suffocated Vanity, The Souls I Hunt, ainsi que Circle of Conspiracy, Undead Prophecy à réanimation. Let's go! Wow. J'adore cet album. Undead Prophecies, on vient d'entendre à l'instant Circle of Conspiracy, précédé de Soul I Hunt, et en ouverture, la deuxième pièce de l'album, Suffocated Vanity, c'est tiré de l'album Sempiterral Void, qui est paru le 22 mars dernier. Leur deuxième album, ben, leur premier album sous le nom d'Undead Prophecies, mais le deuxième album, Undead, si on veut, sous étiquette Listenable. Et décidément, ce groupe-là a su faire revivre les belles années du death metal des années 90 et même un peu la fin des années 80 et de remettre ça à la sauce actuelle tout en gardant l'esprit que les groupes de cette époque avaient apporté ce si cher death metal en ce qui me concerne. Bref, c'est un album que je vous invite à découvrir. Il est vraiment très bon. C'est relativement simple à se procurer en plus. Très belles éditions vinyle sont disponibles en CD aussi. Si vous allez sur le site d'Undead Prophecies, vous allez voir dans la section shop, vous pouvez avoir des packs super intéressants avec le vinyle, t-shirt, hoodies, CD, patch, ainsi de suite pour des en euros, bien sûr, mais relativement, des prix relativement raisonnables. Bref, la semaine prochaine, au niveau de réanimation, eh bien, c'est le retour du Mechanical Surgery. Mais n'ayez crainte, nous avons retenu une certaine leçon à ce niveau-là, Sinistros et moi, c'est-à-dire que nous allons vous proposer des formations qui donnent dans l'industriel, dans l'IBM, mais beaucoup plus hard ou beaucoup plus accessible pour les amateurs de métal. Donc, la semaine prochaine, ce sera le Mechanical Surgery 2.0. Aussi, au niveau des présentations, je vous proposerai deux pièces de ce premier album de ce All-Star Band Ultimus, formation de death metal internationale qui met en vedette David Vincent, Ron Erickson, ainsi que Florent Mounier, ou Flo Mounier, un album qui s'appelle Something Wicked Marches In, qui est paru je crois que c'est vendredi dernier sur Season of Mist, un très bon album, très très bon album. Et j'allais oublier, Undead Prophecies, ma cote est de 9,5/10. On va poursuivre métalliquement avec les choix de Sinistros qui nous replonge dans un hiver beaucoup plus heavy metal traditionnel, ou en fait à inspiration traditionnelle, avec entre autres Udo, Ludwig Schneider, Gravedigger, mais tout de suite Air Raid. Let's go. We'll C'est ainsi que cette édition des animations se termine avec les choix de Sinistros en Odo de Westphalia en Allemagne et la pièce Speeder qui est tirée de Decadent parue le 23 janvier 2015 sur AFM, précédée de également Westphalia en Allemagne, Gravedigger, des vétérans de la scène heavy metal, et When Night Falls est tiré de leur 18e album Healed by Metal, paru le 13 janvier 2017 sur Napalm, et en ouverture Air Raid de Gothenburg en Suède, Hold the Flame, tiré du 3e album Across the Line, paru le 29 septembre 2017 sur iRoller. Ce vendredi, ne manquez pas pour les vrais amateurs de vrai rock, notre ami le Rockmaster René Lefebvre qui nous présentera une émission dite régulière avec les segments habituels, groupe obscur, éphéméride, les albums classiques et ainsi de suite. Moi, tant que moi, je serai de retour à classique seulement le 26 avril pour la première partie du spécial 1989. Donc, classique de 11h à 17h sur les ondes de C'est Fou, le vendredi pour les vrais amateurs de vrai rock. Aussi, les émissions Subversion de notre ami DJ Tower of Death qui se propage à tous les deux semaines sur SoundCloud et qui sont en rediffusion ici même à C'est Fou 89.1 FM les vendredis dit tout de suite après réanimation. Et le blog de cet absent de Pestilentiel Gobelin qui est Sinistros, hurlement.com pour ses appréciations musicales. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, allez tous vous faire foutre. See ya!